Bonjour à tous. Aujourd'hui, pavé d'autruche au cacao pour 4 personnes. 4 pavés d'autruche de 180 g, 2 échalotes hachées, 25 cl de vin rouge corsé, 5 cl d'huile d'arachide, 100 g de beurre plus 50 g, une cuillère à soupe de cacao amer, du sel et du poivre. Voilez les pavés dans un sautoir avec huile plus beurre, 3 à 4 minutes de chaque côté, en les arrosant régulièrement. Les maintenir au chaud sur une grille à 80 degrés. L'autruche se déguste comme un filet de bœuf. Dans le sautoir de cuisson, faire suer l'échalote, mouiller au vin, réduire d'un demi, ajouter le cacao et laisser infuser une demi-heure. Filtrer, monter la sauce au beurre froid, 50 g, et rectifier l'assaisonnement. Dresser la viande sur les assiettes chaudes, napper avec la sauce cacao, garniture, petits champignons de Paris poêlés, un petit vin conseillé, un Côte-du-Rhône, rouge village, à boire avec modération.